km pour 60 mois et près de 7 cents pour chaque kilomètre supplémentaire. Tous les détails au toyota.ca. En 15 secondes, comment être certain d'avoir trouvé la meilleure offre pour votre hypothèque? Pas beaucoup de temps, ça, pour magasiner et comparer auprès de 20 institutions financières. Mais sur multiprêt.com, c'est possible et sans frais. Multiprêt, déployez vos possibilités hypothécaires. Le show du matin, une présentation de l'Association des concessionnaires Subaru du Québec. Pour un hiver en toute sécurité, pensez Subaru. Subaru, confiance et évolution. Le show du matin. Tu as ta chance de te faire réveiller par deux radio stars. Avec Jean-Denis de la Graveline et Michel-Jérôme Landry, Gasconadon. Radio X. Bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à Radio X. Bienvenue dans le show du matin. Mon nom est Denis Gravel. Ma douce moitié se retrouve encore à New York ce matin. Le président de la Nordique Nation, Jérôme Landry. On va lui parler un petit peu plus tard. Il n'avait pas l'air de trop s'ennuyer de toi. Là. Non, hein? Il a l'air heureux. Ben là, c'est le bonheur. La Nordique Nation qui se promène. On retourne à Nassau Coliseum. On va voir l'avalanche. Et lui a rencontré Patrick Roy. En plus. En fin de semaine. On va vous faire entendre ça tantôt. Ils se sont jasés quelques minutes de président à Hall of Famer. Tu sais, c'est les grands esprits se rencontrent, hein? Tu comprends pourquoi t'as pas de rapport dans l'équation? Non, regarde, c'est un monde de dignitaires, là. C'est au-dessus de nos têtes, là. Tu sais, Marcel Aubut, Patrick Roy, Jérôme Landry. C'est voilà. Ça. C'est de même, ça marche. C'est de même, ça marche. Donc, on va parler à notre chum Jérôme tantôt. Véro et Vince sont là. On suit de très près ce qui se passe à Sochi. Ça a bougé pas mal dans les dernières heures. On refera le point tout à l'heure. Live à RadioX.com, 670-9098. Rich travaille comme un fou en arrière aussi. Parlant de travailler en fou, ça commence. Le PQ a pris ses nouvelles photos avec les habits propres et les nouvelles cravates. Et en fin de semaine, à 80 000 $, la CAQ a lancé sa campagne de pub. Puis je vous le redis, c'est la meilleure semaine de la CAQ depuis un bout. Des fois, on est critique, des fois, on est sévère, mais des fois, il mérite des bravos. Puis je pense que François Legault était top shape dans la dernière semaine quand il a demandé des comptes à Pauline Marois, qui a réussi à lui faire perdre un peu contenance. Mm-hmm. Il a pris la place qui était laissée libre par l'opposition. Ouais. Ils ont saisi l'instant, campagne de pub. Là, il y a des vidéos qui ont été lancées. On vient de recevoir un communiqué de la CAQ aussi. C'est des panneaux publicitaires. On est en pré-campagne électorale. On est en campagne. Appelle pas ça une pré-campagne, là, c'est commencé. On est en pleine campagne électorale. Puis, je vous lis la pub qui est dans le journal de ce matin. Puis moi, je trouve que le ton est donné, là. Tout le monde affiche ses couleurs, puis j'aime ça de même. Pendant qu'un débat détourne au lieu d'éclairer, trébuche plutôt que d'avancer, on creuse le déficit et non les idées. On multiplie les taxes au lieu des possibilités. À quand une charte qui défend les contribuables? François Legault de la CAQ est en ligne. Monsieur Legault, bon matin. Bon matin, Monsieur Gravel. En forme? Oui, très en forme. Et on se prépare. L'autobus est en train de chauffer. Vos photos sont-tu prises, vous autres? Quelques-unes. Mais pas tout le monde, mais c'est en ligne pas mal cette semaine-là. Vous avez réussi à faire quelque chose que j'avais pas vu depuis longtemps. La première ministre a parlé de vous autres, a parlé de la CAQ, a parlé de François Legault. À partir de ce moment-là, je pense que vous avez touché un point sensible quand vous avez ramené sur la table l'histoire du deal et du mari de Pauline Marois. Ben effectivement, parce qu'écoutez, quand on voit la structure du deal où Claude Blanchet achète des actions à 10 cents, puis un an plus tard, le fonds paye 30 cents, il y a des questions sans réponse. Évidemment, Mme Marois sûrement pas aimé aussi entendre le président de la FTQ dire qu'il pouvait influencer Mme Marois à cause de ce deal-là. Donc, je pense que le PQ est en difficulté, puis il a très, très hâte d'aller en élection avant qu'il sorte d'autres choses à la commission Charbonneau. L'hélicoptère de Pauline Marois se promène au-dessus du Québec, distribue les nananes et les ministres un peu partout. Il y a plein d'annonces, il y a plein de conférences de presse. Il y a toujours des beaux backgrounds là, avec des photos de tomates, des photos de gens heureux, des photos d'aréna, des photos de ci, des photos de ça. J'ai eu l'impression de retourner un peu en arrière sur la façon de faire de la politique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gouvernement donner autant de nananes avec aussi peu de subtilité. Ben effectivement, là, quand on voit un gouvernement qui vous annonce que ça va plus mal que prévu, puis qu'on a 2,5 milliards de déficit, puis qu'il faut serrer la ceinture, mais dans phrase d'ensuite, se promène dans la même semaine à faire 85 annonces de nouvelles dépenses pour avoir des photos dans tous les journaux locaux. Je pense là que ça donne la nausée. Ça ressemble à un vieux film qui explique pourquoi les gens sont si cyniques. face à la politique. Mais en même temps, M. Legault, moi, il y a une question qui me reste en travers de la gorge en tant qu'électeur qui, des fois, est un peu désabusé puis un peu cynique, là. Le PQ, j'étais pas d'accord avec ce qu'ils voulaient faire, mais ils ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Y a-tu encore moyen de nettoyer les finances du Québec? Ah ben, un gouvernement arrive, puis les mains sont liées soit par les fonctionnaires, soit par les choses déjà en place, soit que le déficit est trop pesant. On dirait que c'est tellement facile d'avoir des idées puis des projets dans l'opposition, et tous les gouvernements arrivent de la même façon en nous disant « Nous sommes prêts, on va changer les choses, nouveau gouvernement, on va faire du ménage, on va faire ci, on va faire ça. » Pourquoi ça marcherait plus avec François Legault que les autres, là? Bon, d'abord, faut pas avoir les mains attachées avec la FTQ. Ça, c'est la première chose, parce que c'est sûr que si on élimine des postes, on élimine des cotisations à ces syndicats-là. Donc, si c'est des amis, ils seront pas contents. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça prend pas des politiciens de carrière. Moi, je regarde dans notre équipe, là, les Dubé, le Bouillonnec, Bonardel, c'est plus des gens d'affaires qui s'en viennent pour faire la job qu'il y a à faire, pour faire le ménage, pour enfin baisser les taxes des Québécois. Donc, faut pas être là puis se dire, on s'en va en politique pour les 25 prochaines années. Donc, faut avoir une détermination. Et écoutez, même Jean Charest, en 2003, avait promis la réingénierie. En fait, c'était plus Monique Jérôme-Forget qui l'avait promis. Ouais. Et ça a pris 6 mois à peu près de syndicats à la porte de l'Assemblée nationale pour qu'ils mettent tout ça aux poubelles. Donc, c'est vrai, faut être déterminé. Moi, je suis revenu en politique pour ça. C'est pour ça qu'on a créé la coalition Avenir Québec. Mais en même temps, M. Legault, on dirait que tout le monde n'est pas rendu à la même place. Hein. Je lisais encore Jacques Parizeau ce matin dans le journal. On s'obstine encore à savoir si ça va bien au Québec ou si ça va pas bien. Ben, c'était peut-être le dernier, Jacques Parizeau, qui disait non, les économistes exagèrent. Puis là, tout à coup, Jacques Parizeau a lu l'étude qui a été écrite par les HEC, puis dit, écoutez, là, effectivement, quand on se compare avec les 20 pays les plus riches au monde, on a mangé toute une volée des dernières années, on est rendu vraiment en queue de peloton, et c'est inquiétant. Puis là, il vient dire aussi, faut arrêter ces espèces de cadeaux-là, 450 millions pour faire plaisir à Gaspésie dans une cimenterie, ça se tient pas debout. Fait que c'est toute une charge que fait M. Parizeau envers Mme Marois ce matin. Comment on se bat contre ça, un hélicoptère de ministres qui distribue des cadeaux partout? Ça a bien beau être une vieille façon de faire la politique, c'est une façon qui marche encore, ça, au Québec, malheureusement. Ouais, ben, je pense que lors de la prochaine campagne électorale, on va être les seuls à défendre les contribuables. Je peux pas croire, moi, que Mme Marois, après avoir promis d'abolir la taxe santé, ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle va être capable de repromettre encore des choses aux contribuables. Donc, je pense que on l'a vu, là, Mme Marois, elle apprend plus la position, elle propose de dépenser plus. Nous, on propose de dépenser moins. Donc là, je pense que les camps vont être un peu plus clairs pendant les 35 jours de la prochaine campagne. Je sais que vous êtes tanné d'en entendre parler des derniers sondages, mais faut y revenir. On n'a pas le choix. La CAQ à 17, à 18 %, c'est vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on se regarde dans le miroir puis qu'on trouve, il est où le problème? Ça a été quoi le problème de la CAQ ou du message de la CAQ dans les derniers mois pour... Parce qu'on dirait que c'est bien reçu dans la région de Québec encore, mais au-delà de la région de Québec, ça semble beaucoup plus difficile. Ben, on oublie qu'en campagne, en 2012, on a parti au même niveau qu'on est actuellement. Donc, c'est pas nouveau, là. C'est vrai, quand on rencontre des spécialistes en politique, ils vont vous dire, entre les campagnes électorales, c'est très difficile pour l'opposition, surtout pour un nouveau parti, de faire connaître ses idées. Les gens sont pour ou contre les gouvernements. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, les gouvernements se battent eux-mêmes. Par contre, dans une campagne électorale, on l'a vu la dernière fois, on a terminé très près du PQ et du Parti libéral. En plus, s'ajoute à ça, depuis 6 mois, dans les médias, un seul sujet, la charte de la laïcité. Nous, on est pour la charte, une charte équilibrée, mais on dit, on peut-tu parler de d'autres choses? Puis c'est de là qu'on part pour notre publicité dans les journaux, puis sur les panneaux, sur les autoroutes, c'est de dire, oui, une charte, mais on peut-tu aussi avoir une charte qui défend les contribuables? Donc, on veut faire un peu du judo avec ce sujet qui fait que c'est polarisé. On est pour ou contre la charte. Puis habituellement, ben, à cause d'habitude au Québec, quand on est contre la charte, on est pour les libéraux. La commission Charbonneau, ça peut donner un sérieux coup de main à la CAQ aussi pendant une campagne électorale. Là, si ça se poursuit, on a l'impression que J'ai l'impression de voir deux équipes des Devils du New Jersey de Jacques Lemaire, hein, quand on parle de la commission Charbonneau. Tout le monde joue la trappe, tout le monde fait attention à ses amis, puis on n'attaque pas trop l'autre non plus. C'est un peu le propre des vieux partis, des vieux politiciens. Il me semble que sur cette patinoire-là, M. Legault, vous avez toute la place que vous pouvez. Ben absolument, parce qu'un jour on attaque les libéraux, un jour on attaque le PQ. Nous, on n'a jamais été au pouvoir, fait qu'on peut pas avoir donné des contrats. Mais par contre, bon, ce qui me choque un peu, par même temps, bon, on veut pas non plus dicter l'agenda à Mme Charbonneau, c'est que depuis un an et demi, on a parlé essentiellement seulement des municipalités, ouais, puis de la FTQ. On n'a pas parlé du ministère des Transports puis des partis provinciaux. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'à compter des prochains jours, des prochaines semaines, on va commencer à parler du provincial. Donc, évidemment, là, il peut... il y a toutes sortes de rumeurs que, effectivement, ça pourrait être très dur et pour le PQ et le Parti libéral. Si je suis le mari de la première ministre puis qu'on m'accuse d'avoir voulu faire un deal et de se servir de ce deal-là pour négocier avec ma femme, il me semble que je courrais après les micros pour donner ma version des faits. Vous interprétez ça comment, l'espèce d'absence ou d'éclipse médiatique de M. Blanchette là-dessus? Ben effectivement, quand on n'a rien à cacher, la meilleure chose à faire, c'est d'apporter tous les éclaircissements nécessaires. Par contre, parce que ça regarde mal. Écoutez, un gars achète des actions à 10 cents dans une entreprise, achète deux blocs appartements, s'en va voir le fonds de solidarité, puis il vend les actions à 30 cents, là, ça regarde mal. Donc, s'il y a quelque chose à expliquer, je pense qu'il l'aurait déjà fait. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien à expliquer. Puis effectivement, c'est un deal qui fait pas de sens, que le fonds aurait pas fait si le propriétaire n'aurait pas été Claude Blanchet. Et puis, bon, écoutez, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a rien à expliquer. Hey, M. Legault, bonne campagne. On est pas mal parti, là. Bye-bye. Il est 7h17. François Legault, chef de la CAQ. On va vous dire bien franchement, je trouve que la CAQ est sur une bonne track depuis une semaine. Autant les déclarations de François Legault qui ont fait en sorte que l'impératrice Pauline Marois... Il est sorti un peu de ses gonds. Ah, elle a reconnu qu'il existait. La Castafiore était pas contente qu'on continue de poser des questions parce qu'on n'est pas satisfait de ses réponses. Puis ça, elle aime pas ça. Non. Elle aime pas ça. Ils ont touché une corde sensible. Oui. Puis je pense que la campagne de pub est bien lancée aussi. Là. Le message que la charte, ça va être beau, puis que on devrait peut-être s'occuper des vrais problèmes et des problèmes des contribuables avant de s'inventer des problèmes qui n'existent pas encore. Là. Je comprends là qu'il y a bien des Québécois qui ont peur de ce qu'on appelle les étranges. Là. Mais il faudrait se regarder aussi un peu avant de regarder les étranges. On a bien des problèmes dans notre cour qui mériteraient pas mal plus d'attention que ça. Parce que... je regarde ce qui s'est passé dans l'actualité de la dernière semaine. Là. Puis le père qui a tiré son ex, son nouveau chum et les deux enfants, là, à ce que je sache, c'était pas un musulman, hein? C'était pas un homme c'était voilé, pas un hein? Non, c'était pas de cagoule, non. Comme on a entendu. Puis si à un moment donné la religion a eu un rôle là-dedans, ben c'est notre religion à nous autres, ça a l'air. Pas beau, hein? On aime ça donner des leçons aux autres. On aime ça avoir peur des autres aussi, mais maintenant, il faut se regarder dans le miroir, hein? Parce que juste avec le talent local, là, il y a de quoi avoir honte. Puis assez solide, merci. Bref. On va essayer de parler d'économie du côté de la charte. C'est pas sexy au Québec. On dirait qu'on veut pas n'entendre parler. Comme on regarde pas nos comptes en banque quand on sait qu'on est dans le rouge. Là, je peux te dire qu'avec toutes les pubs qu'ils vont mettre, il y en a dans les journaux, il y en a sur Internet, ouais, mais... on va en voir partout. Là, on peut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Je suis pas le seul là, qui, dans le temps des fêtes, a pas regardé ses comptes parce que je savais que mes cartes étaient loadées. Là. Tu fais partie de ceux qui pensent qu'en le laissant dans le tiroir, on va être correct. C'est parce que tu te dis, un moment donné, ça va peut-être se rééquilibrer. Tu sais, fait que tu regardes pas trop, mais... Le Québec, on est de même avec nos finances publiques. Sauf que là, ça fait trop longtemps. Là. Maintenant, il faut se réveiller. Il est 7h19. Véro, ça va? Es-tu toujours là? Oui. Je suis en train de regarder. En fait, c'est terminé, là, le 1500 mètres homme. Puis je pense que Charles Lamelin a pas mal gagné la médaille d'or. Pour vrai, c'est fait. T'as un peu chantré. Puis quand là, il y avait l'entrevue en même temps à laquelle je portais attention. Là, mais oui, il a fini premier. Là. Bon, mais Charles Lamelin aurait gagné la médaille d'or dans les dernières secondes pour le Canada. Donc, c'est fait. Charles Lamelin remporte la médaille d'or en patinage de vitesse courte piste. 1500 mètres. Donc, bravo, une autre médaille d'or. Yeah. Une autre belle histoire. Et Véro se peut plus parce que je sais pas. Ça fait, hey, ça fait combien d'années qu'on se connaît? Ça fait 15 ans. Je suis complètement fessé de te voir depuis le début des... Ça? Mais pas à ce point-là. Ben voyons. Non. Mais tu sais, c'est sûr que il y a 4 ans... On dirait que t'es la mère de Charles Hamelin. Il y a 4 ans. On dirait que t'es la grande sœur des Dufault-Lapointe. Sérieusement, là, je me trouve un lien de parenté avec à peu près tous les athlètes canadiens qui se ramassent aux Olympiques. Je prends ça à cœur. On dirait que tu joues sur le deuxième trio de l'équipe de hockey féminine. Et, ben là, non. Comment ça? C'est pas vrai. Pourquoi? Mais là, c'est même le curling, je surveillais tantôt les résultats. Ah ben là, je vais suivre le hockey. Moi, je suis tout. Mais à suivre le curling, j'abandonne. Tout. Hey, médaille d'or, Charles Hamelin, là, c'est vraiment super. Patinage de vitesse courte piste, 1500 mètres. Good job. Bravo. Il est 7h20 à Radio X. 670-9098, 670-9098. Septième appel, gang, le logiciel Impôt Expert. Valide pour ceux qui vont regarder le chiffre bien en face à un moment ou à un autre dans les prochaines semaines. La réalité, hein? Ben, on n'a pas le choix, hein? La vie étant ce qu'elle est, là. 670-9098. Bonne chance. Le show du matin. Avec Denis Gravel et Jérôme Landry. Radio. Morais. Live. Deal or no deal? Y a-tu un deal ou y a pas de deal? Deal! Est-ce qu'il y a un deal ou y a pas de deal? Je dirais qu'il y a eu un deal puis qu'elle a pris l'enveloppe. Y a-tu un deal ou y a pas de deal? Super mega deal. Super mega deal, ça grossit à chaque fois. Mega deal! Radio vendredi, 9h30. Radio X. Une présentation de Laval Volkswagen.